Chapitre 29e. Contrairement à ce qui se produisait toutes les fois que Madame de Lucilière devait faire une absence, le colonel avait été satisfait de l'avoir quitté Paris pour quelques jours. Il aurait ainsi le temps de réfléchir avec calme et d'envisager sous toutes ses faces la situation que leur créait la connaissance qu'avait le marquis de la petite porte de la rue de Valois. Car sous le regard de celle qu'il aimait, sous sa puissance immédiate, il n'était pas maître de lui. Et quoique la raison, la prudence et la dignité lui commandassent, il ne pouvait vouloir que ce qu'elle voulait elle-même et lui suggérait. Pendant son séjour à Chalençon, il s'était demandé s'il devait lui parler de la lettre anonyme reçue par le marquis, et il n'avait point osé le faire. Que déciderait-elle en apprenant que son mari connaissait le rendez-vous? De les interrompre, sans doute, et c'était justement ce qu'il ne voulait pas. Assurément, il était dangereux de continuer à se voir la nuit, comme il s'était vu en ces derniers temps. Mais avant de renoncer à ses entrevues chez lui, il voulait s'être assuré les moyens de les reprendre et de les continuer ailleurs. Où? C'était ce qu'il ne savait pas, et ce qu'il voulait chercher. En même temps, il voulait aussi examiner froidement la question de son association avec M. de Lucilière, et décider s'il devait rompre cette association ou la continuer. Ces deux points étaient assez graves pour exiger un examen attentif et recueilli. D'un côté, c'était son amour qui était en jeu. D'un autre, c'était son honneur. Jamais il ne s'était trouvé dans une situation aussi critique. Car jamais jusqu'à ce jour, il n'avait aimé une femme d'un amour aussi ardent, aussi intense, que celui qu'il éprouvait pour sa chère Henriette. Et jamais, jusqu'à ce jour non plus, il n'avait été engagé dans des affaires où son honneur pouvait se trouver compromis. Comment continuer son association avec le marquis sans devenir son complice? Comment la rompre sans rompre en même temps sa liaison avec la marquise? Madame de Lucilière était partie le dimanche soir, et il s'était engagé envers lui-même à avoir pris une résolution avant son retour. Aussi le lundi était-il resté chez lui, en donnant l'ordre de ne recevoir personne. Il avait besoin de solitude, de recueillement. C'était sa vie qui allait se décider. Jusque vers 5 heures de l'après-midi, les ordres qu'il avait donnés avaient été fidèlement exécutés, et personne n'était venu troubler sa solitude. Mais à ce moment, un domestique entra dans la bibliothèque où il se trouvait pour lui annoncer qu'un facteur de la poste demandait à le voir. « Envoyez ce facteur à Horace. Ce n'est pas possible. Il a une lettre chargée à remettre à monsieur. Et qu'il la remette à Horace. » C'était Horace, en effet, qui recevait ordinairement les lettres du colonel et qui le plus souvent y répondait. Car ces lettres, pour la plupart, étaient des demandes de secours, des propositions d'affaires plus ou moins merveilleuses, tout le fatras dont le colonel avait été accablé en arrivant au grand hôtel et qu'il avait suivi lorsqu'il s'était établi chez lui. Tout d'abord, Horace avait lu ses lettres avec conscience et à chacune, il avait fait une réponse autographe que le colonel signait. Mais bientôt, ils avaient été l'un et l'autre débordés. Horace n'avait plus le temps d'écrire et le colonel ne pouvait plus signer. Alors, le colonel avait fait imprimer une circulaire qui était envoyée en réponse à tous ceux qui adressaient une demande. « Monsieur, il m'est adressé un grand nombre de demandes comme la vôtre. À mon grand regret, je suis obligé de déclarer qu'il m'est impossible d'y donner suite. Je vous prie de recevoir mes excuses et mes salutations, colonel Chamberlain. » Cela avait simplifié les choses et donné un peu de répit à Horace, qui n'avait plus que des adresses à écrire. Encore était-ce un travail qui lui prenait quelquefois plusieurs heures par jour. « J'ai proposé au facteur de remettre sa lettre à M. Horace, » continua le domestique, « mais cela n'est pas possible, il faut que monsieur signe lui-même, alors qu'il entre. » Et le facteur avait remis au colonel une grande enveloppe fermée de 5 cachets de cire. Pendant quelques instants, le colonel avait tourné et retourné cette enveloppe entre ses doigts. Il avait regardé l'écriture de l'adresse, puis, comme cette écriture ne lui disait rien, pas plus que les initiales des cachets, il avait jeté sur le coin d'une table cette lettre, qui bien probablement n'était qu'une répétition de toutes celles dont on le bombardait. « Celui-là aurait reçu la circulaire, se dit-il, et voulant être certain que sa lettre arrivera entre mes mains, il aurait eu l'idée de la charger. N'échapperait-il donc jamais au mendiant ?» Ces demandes incessantes étaient en effet un de ses ennuis et de ses chagrins. Comment les satisfaire? Horace avait eu la patience de noter et d'additionner toutes les demandes d'un mois, et leur total avait dépassé de beaucoup le revenu du colonel. Pour se consoler de ses refus en masse, il donnait le plus qu'il pouvait à ceux qui lui étaient recommandés personnellement par des gens en qui il pouvait avoir confiance. La lettre jetée, il n'y pensa plus et revint au sujet qui le préoccupait. Ce fut le soir seulement que ses yeux tombèrent par hasard sur ces cinq grands cachets rouges qui reflétaient la lumière. Il était précisément en ce moment dans une de ces dispositions d'esprit où l'on cherche volontiers une distraction machinale, où l'on déchire, sans trop savoir ce que l'on fait, une feuille de papier en petits morceaux, où l'on couvre sa pancarte de dessins informes, où l'on fait tourner ses doigts. Il prit cette grande enveloppe et pendant plusieurs minutes, il la balança au bout de sa main, tout en restant profondément absorbé dans sa réflexion. Puis, l'ayant posée de nouveau sur la table, il se mit à déchiqueter doucement la cire des cachets avec la pointe d'un canif. Un cachet enlevé, il passa à un autre, sans avoir conscience de ce qu'il faisait, et celui-là déchiqueté et brisé, à un troisième. L'enveloppe alors s'ouvrit d'elle-même et laissa apercevoir des feuillets de papier buvard. Cela attira son attention. Qu'est-ce que cela pouvait bien être ? Sa curiosité était éveillée. Il tira le papier buvard de l'enveloppe, et en l'ouvrant, il trouva le billet du prince Mazzazzoli. Tout le monde sait que lorsqu'on pense fortement à une personne ou à une chose, et qu'on ouvre un livre ou une lettre dans lequel se trouve le nom de cette personne ou de cette chose, ce nom vous saute aux yeux exactement comme s'il était écrit en caractère lumineux. Ce fut ce qui arriva pour le colonel. Le nom de Madame de Lucilière l'éblouit comme lui fait un éclair. Vivement il prit le billet, et d'un coup d'œil, il le lut dans son entier. Une lettre anonyme, quelle infamie! Il rejeta loin de lui le billet et les feuilles de papier buvard. Qu'avait-il donc fait pour qu'on s'acharnât ainsi sur lui? Après le coup de couteau de la forêt de Marly, la lettre au marquis, après la lettre au marquis, celle qui venait de le frapper. Assurément, il ne la lirait pas. Devait-il salir son esprit, souiller son cœur de ses calomnies? Et il fit quelques pas pour sortir de la bibliothèque. Mais l'esprit le plus droit est plein d'hypocrisie et de ruse, pour se tromper lui-même. S'il abandonnait ce billet et ce buvard, on les trouverait, on les lirait. Ses calomnies se répandraient. Il les ramassa pour les brûler. Mais lorsqu'ils furent entre ses mains, il ne les brûla point. Un horrible sentiment d'anxiété le serrait à la gorge. Les soupçons qui pendant si longtemps l'avaient torturé le poussaient, sans qu'il pût leur résister. Il pouvait savoir. Ce n'était point une lettre anonyme qu'il lirait, ce serait la lettre même de la marquise. Et de nouveau, les noms du duc de Mestosa, de Lord Ferguson, du prince Seratov lui brûlèrent les yeux. La tentation était trop forte. Il prit un petit miroir à main et l'ayant posé à plat sur la table, il plaça l'une des feuilles du buvard au-dessus. La signature Henriette lui entra dans le cœur comme un coup de couteau. Il remonta alors à la première ligne. C'était la lettre au prince Seratov. « Il vous a fallu votre vendredi. » Il l'a lu jusqu'à la dernière ligne. « À vendredi, votre vendredi. » Était-ce possible ? Il suffoquait. Ses mains tremblaient tellement qu'il laissait échapper le papier sur la table. Il était assommé, écrasé. Et machinalement, il se répétait « Non, non. » Mais cette révolte ne pouvait pas tenir contre l'évidence. C'était bien l'écriture d'Henriette. Il reprit la feuille de papier et s'appuyant les deux bras sur la table, il l'exposa au-dessus du miroir. Ce serpent, ce repent. Il déplia la seconde feuille. My dear, dites-vous bien que je vous aime. Je vous aime. Et c'était elle, c'était bien elle, qui avait écrit ces trois mots que la veille encore elle lui disait, elle lui répétait si tendrement à lui-même. C'était donc vrai. Elle le trompait. Comme elle s'était moquée de lui. Lord Ferguson, le prince Seratov, le duc de Mestosa, ses rivaux. Et pourquoi pas d'autres encore ? Il promena chacune des parties des deux feuilles de papier au-dessus du miroir, mais il ne fit pas de nouvelles découvertes. Et il en éprouva une certaine colère. Il aurait voulu trouver la copie de 10 lettres, de 20 lettres, pareille à celle qu'il venait de lire. Il se renversa dans son fauteuil et resta là, à regarder les murs de la bibliothèque, qui dansaient devant ses yeux. Le plafond s'abaissait, le parquet se soulevait comme des vagues en un jour de tempête, mais la tempête était en lui, et c'était dans son cœur, c'était sous son crâne, que le sang frappait et bouillonnait en vagues furieuses. Dieu merci, elle n'était pas à Paris. Et ceux qui lui avaient envoyé ces feuilles accusatrices avaient eu la charité au moins de choisir leur moment pour lui éviter un crime. Et pourquoi ne l'aurait-elle pas trompé après tout? Pourquoi lui eût-elle été fidèle quand elle ne l'avait pas été aux autres? À une pareille tromperie, on ne devait répondre que par le mépris et l'abandon. il ne la reverrait pas. Il quitterait Paris. Il la fuirait. Et dans l'écroulement qui venait de se produire en lui, cette résolution lui donna une sorte de calme. Il savait ce qu'il avait à faire. Il souffrait horriblement, plus qu'il n'avait jamais souffert, plus qu'il n'avait jamais imaginé qu'on pouvait souffrir. Mais enfin, sa raison n'était plus affolée. Après avoir été entraînée en un tourbillon vertigineux, elle venait de s'arrêter à quelque chose de solide et de certain. Il ne la verrait plus. Immédiatement, il se mit à son bureau et commença à lui écrire. Pendant une heure, sa main courut sur le papier, les feuilles s'entassèrent devant lui. Sa douleur, son désespoir, son indignation, sa fureur s'épanchaient en paroles rapides et violentes. Tout ce qu'il avait dans le cœur, il le disait, il le criait. Ah, comme il l'aimait, comme il l'aurait aimé. Mais tout à coup, il s'arrêta. Peu à peu, en écrivant, sa fureur s'était apaisée, et la réflexion, la raison avaient élevé la voix dans son esprit. Ce n'était point ainsi qu'il devait se séparer d'elle. Alors, ramassant les feuilles encore humides éparses autour de lui, il les avait portées dans la cheminée et les avait allumées. Pourquoi dire qu'il était malheureux et qu'il souffrait? Ses plaintes étaient une lâcheté. Ferait-elle oublier cette trahison? Serait-elle une vengeance? Un mot suffirait. Il l'écrivit. Lisez le billet 6 juin et les feuilles de votre buvard qui l'accompagnait. Vous sentirez pourquoi je quitte la France ce soir même. Édouard Chamberlain. C'était assez. Alors il réunit les feuilles du buvard, y joignit le billet du prince Mazzazzoli et celui qu'il venait d'écrire lui-même, puis ayant renfermé le tout dans une grande enveloppe, il écrivit sur cette enveloppe le nom de Madame de Lucilière. C'était fini. Pendant longtemps, il resta la tête cachée entre ses mains, abîmé dans son désespoir. Les heures de la nuit avaient marché. Il régnait un silence de mort dans tout l'hôtel. Cependant, il fallait compléter sa résolution. Où irait-il? Il n'en savait rien. Qu'importait après tout? Au hasard, droit devant lui. Là où il serait certain de ne pas la rencontrer. Il prit un indicateur des chemins de fer et il alla d'une ligne à l'autre. Mais à cette heure avancée, tous les trains des grandes lignes étaient partis. Au reste, cela n'avait pas une grande importance pour lui. Elle n'était pas à Paris. Il serait encore temps le lendemain matin. En feuilletant machinalement l'indicateur, un nom frappa ses yeux, Genève. Pourquoi n'irait-il pas à Genève? En Suisse, dans les montagnes, il trouverait sans doute le calme et la solitude. Il irait à Genève, cela était décidé. Arrêté à cette résolution, il monta à la chambre d'Horace pour lui dire de préparer ce qui était nécessaire à leur voyage. Il le croyait couché et ne voulait pas provoquer la curiosité de quelques domestiques en le sonnant. Mais Horace n'était pas encore au lit. Quand le colonel entra dans sa chambre, éclairée avec une lampe et 3 ou 4 bougies, Horace était devant sa glace en train de faire pour la 4e ou 5e fois le nœud de sa cravate. Il était en tenue de soirée, pantalon noir, bottines fines, linge blanc. 2 bouquets, enveloppés de papier, étaient posés sur une table au milieu de flûtes, de clarinettes et de cornets à pistons. Car depuis son arrivée à Paris, Horace avait été pris d'une manie assez bizarre. Il achetait tous les instruments de musique qu'il trouvait, et sa chambre en était mieux garnie que la boutique de bien des facteurs. Aux murailles étaient accrochés des violons, des trompettes, des trombones, des triangles, des tambours. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, avec passion, avec folie, c'était les instruments à vent. Il ne pouvait pas voir une anche ou une embouchure sans être tourmenté aussitôt de l'envie de souffler dedans. Tout le temps qu'il avait de libre, il l'employait à cet exercice. Et s'il quittait une clarinette, un hautbois ou un basson, c'était pour prendre une trompette à coulisses, un cor ou un fifre. Le violon n'était pour lui qu'une simple distraction. Et chose curieuse, il ne jouait pas trop mal de tous ces instruments. Au bout de 8 jours, 15 jours, il connaissait le maniement de celui qu'il venait d'acheter et il passait à un autre. « Tu te disposais à sortir ?» dit le colonel. Horace regardait les bouquets d'un œil attendri. « Oui, mon colonel, il faut rester. » Nous partons demain matin en voyage et tu as nos mal à faire cette nuit. Un voyage? Un vrai voyage? Un long voyage? Peut-être, je n'en sais rien. La figure souriante d'Horace assombrit. Il hésita un moment, puis, prenant sa résolution avec effort, « C'est de bonne heure que nous partons ? » demanda-t-il, « à 7 heures de l'hôtel. Alors, si mon colonel voulait le permettre, quoi ? » Puisque nous ne partons qu'à 7 heures, j'ai toute la nuit pour faire les malles. Alors je pourrais sortir ce soir, je ne serai qu'une heure absent. » Et ses yeux se posèrent sur les deux bouquets, avec une expression attristée qui n'avait pas besoin d'être traduite par la parole. « Tu veux porter ces bouquets ?»« Non, mon colonel, je veux porter mes remerciements pour leur envoi. »« Ah, on t'envoie des fleurs à toi. » Et le colonel se mit à rire d'un mauvais rire nerveux. Puis haussant les épaules, « Imbécile, dit-il, grand niais. » Horace le regarda avec stupéfaction et vit pour la première fois combien la face de son maître était convulsée. Tout à coup, cette face adoucie et prit une expression désolée. « Puisque tu devais sortir, dit le colonel, sors, amuse-toi bien, sois heureux, mon pauvre garçon. Seulement n'oublie pas que nous partons à 7 heures. Je ne veux pas qu'on me conduise, tu iras chercher une voiture de place. » À 6 heures, Horace entra dans la chambre de son maître et trouva celui-ci endormi sur un fauteuil, pâle, défait. Il ne s'était pas couché, et vers le matin seulement, le sommeil l'avait saisi dans le fauteuil où il avait passé la nuit. « Où allons-nous ? » demanda Horace lorsqu'il eut fait placer les bagages sur le fiacre. « Gare d'Orléans, » dit le colonel. Mais la Bastille changea cet itinéraire et fit dire au cocher d'aller à la gare de Lyon. Quand Horace demanda 2 places pour Genève, un voyageur qui l'avait suivi au guichet demanda une place pour la même destination. 6 jours après ce départ, le prince Mazzazzoli reçut une dépêche télégraphique ainsi conçue. « Horace Cooper, hôtel du Rigivaudois, au Glion, par Montreux, canton de Vaud, Suisse. Signé Auguste. Même hôtel. » À cette dépêche, le prince répondit par une courte question « Combien durera ce séjour ?» Et 2 heures après, il reçut la réponse qu'il demandait. 15 jours ou 3 semaines. Ainsi s'achève La Marquise de Lucilière, tome 2 de L'Auberge du Monde, par Hector Malot.